quand j'étais malade. Tu t'es révélé à moi en me guérissant. Oh, si tu es mes desseins, il sait pas tout. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que la grandeur